blessures circulent dans mes artères. Parce qu'ils tiennent mes semblables à terre. Qu'ils traînent mon histoire dans la merde. Qu'ils déblatèrent. Parce qu'ils refusent qu'on relève la tête. Parce qu'on a ce passé lourd de peine qui nous brise les vertèbres. J'ai le gène de la haine. Parce que je déteste, plus facile à dire que j'aime. Et parce que tout ce dont j'ai rêvé ne correspond pas à la vie que je mène. Et que j'ai pas eu de veine. Parce que je sais que Dieu me surveille quand le diable me suggère. Parce que j'emmerde les juges et leurs préjugés à notre sujet. Parce qu'on a trop de frères coincés dans le carcéral. Trop de pères qui râlent. Être mère au bord des larmes. Qu'on est tous pris dans la spirale du mal. Parce que trop de conflits se résolvent à l'aide d'une arme. Parce qu'en tout et les forces de l'ordre, y'a peu de chance pour une paix durable. Parce qu'on est sur le tranchant du sable, compris au piège. Parce que dis-moi qui te protège quand des conflits te font mordre la poussière à t'en faire chez du sable. Parce qu'ils sont tous tes soi-disant potes, t'en as plein les poches. Parce que l'amitié s'enfuit par les fenêtres quand malheur frappe à la porte. Parce qu'on ne mentit pas de l'aide, qu'on est trop fiers et que c'est notre avenir, pas de l'aide. C'est qu'on procède avec des pratiques parallèles. Parce qu'on se nique entre nègres et couilles, comme des abrutis, hors des broutilles. On s'embrouille, on sort les outils pour se prouver le poids de nos couilles. Parce que ma mère au bord de la crise de nerfs menace de me fiche dehors. Parce que mes fiches de peine et son cœur flé de mon triste sort. Parce que la vie c'est gore, qu'un frère rentre lorsqu'un autre sort. Après le star, les chances de réinsertion sont minces, mais faut-je tort. Parce que le pouvoir est détenu par des fils de porc. Pour les frères aux assiettes ou en correctionnel, je vous souhaite un vice de forme. Parce qu'il y a la France d'en haut et la France d'en bas. Qu'on a vécu une adolescence dans le hall, qu'on en bat avec les hautes instances sans battre. Mais on a le cœur brave, on attend rien de leur part, on se leur passe. Et bien nous vu que les médias vous servent en pâture à l'heure du repas. Parce que les jours passent, que le monde ne sait toujours pas qui est dos. C'est parce que je suis pas à l'abri que l'ange de la mort ne se penche sur mon dossier. Qu'à défaut de grève américain, ce qu'on a, c'est le cauchemar français. Man, j'ai la peau noire comme mes pensées. Parce que leur système accentue le fossé entre les classes sociales. Que je suis cet individu grossier, social, insatiable, coupable du délit facial. Si je fusille le monde de mon regard glacial, c'est que chez nous les mômes crèvent alors qu'on dépense des fortunes pour la conquête spatiale. Y'a pas de justice impartiale qu'on nous traque sur l'asphalte pour un peu de joie sale. Tandis que les vrais gangsters opèrent dans les hautes sphères. Et parce qu'on se perd à chercher le paradis ici, car là-haut frère, c'est peut-être l'enfer qui nous sera offert. Parce que j'ai pas de beau frère, toujours pas ma gueule en poster, ni de villa au steak. Je me sers du mic comme d'un flingue, un homme doit die quand je le sors de mon holster. Parce que cette époque est complexe et que je t'écris des textes crades comme certaines pratiques du sexe. Plus défini inceste, beaucoup de haine, de l'amour, juste inceste. Et ma vérité blesse, refuse ou accepte, c'est le 21ème siècle.